boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Warlocks, pour commencer notre heure musicale avec Pop & Rock sur la très locale Radio Val-de-Rhin. Alors ce soir au programme, j'ai pioché parmi des nombreux groupes qu'on écoute régulièrement dans Pop & Rock. Des filles de Deep Valley au Grand Breton, des Fontaines d'ici, nous nous promènerons dans le rock et la pop. Mais trêve de bavardage, il est temps de tenir ses promesses avec le groupe de la plantureuse Baez Dido, avec leur titre, leur tube, datant de 2006 et oui 15 ans déjà, les Gossips. We'll Jeep Valley, les deux filles de Los Angeles rejointes exceptionnellement pour ce titre Look Away par Jenny Lee qu'on connaît puisque c'est une des musiciennes de Warpaint qu'on écoute souvent dans Pop and Rock. J'aime bien les Deep Valley, même si je trouve qu'en les écoutant, il y a un petit peu trop des Warpaint ou de Juliette and the Licks. Pas grave, je les aime quand même, comme j'aime les Irlandais de Fontaines D.C. tous les lundis de 17 à 18h, vous êtes bien dans Pop and Rock sur RVR. I Don't Belong des Fontaines DC qu'on a découvert dans notre 114e Pop and Rock. D'ailleurs, si vous voulez réécouter cette émission, foncez sur la page Facebook de Pop and Rock Les Petits Enfants du Rock ou sur la page rvrradiolibre.fr, vous y retrouverez tous les podcasts de Pop and Rock et notamment Frankie et ses doigts de sorcière qui a sorti son dernier album il y a quelques semaines, une perle à écouter sans modération. This song is called Brain Telephone.

C'était une petite session live à l'instant avec donc Frankie and the Witchfingers, sur lesquels j'ai enchaîné les White Stripes pour le phénoménal Seven Nation Army, repris à toutes les sauces, chose qui n'arrivera peut-être pas au très pop Clap Your Hands and Say Yeah avec leur titre Hesitating Nation. Fever, children in a panic, deep sea diver advertising, rowing with the underwater fire, state sponsored pollution, closing our eyes, blind in a town, hoping the mama does not see us now. We become the world's first millionaire. You know, the ones who just don't care. But it's really nothing new, and it smells of compromise with subtle lips of confusion. Holidays are working days to us now. We are lifting dead weight and embracing time down the shirt with the ones in the car is not running. The policeman laughs, but it's really not funny. Who will save me when I'm feeling this down? All God's children are useless to me now. We have come as I. Après le groupe au nom interminable, je vous propose de rester en popland avec The Chorale, groupe que je n'arrive pas à classer dans mes groupes préférés et qui pourtant régulièrement accroche mes oreilles avec un titre comme celui qui arrive. On écoute donc The Chorale avec Dreaming of You. It's up in my heart. Skips a beat. Skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Oh yeah. so kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Dédicace au Quentin Tarantino, c'était Your Jovial Kill pour la bande originale de Pulp Fiction. Il faudra qu'un jour je consacre tout un pop and rock aux bandes originales des films de Tarantino, mais pour le moment, retrouvons le son très punk rock de Yumi at Six avec le titre Adrénaline. It's clouding my energy. My mind's playing tricks on me. It won't stop, no it don't stop till it's over. Turn into a spectacle. I'm on the wrong kind of chemicals. It won't stop, no it don't stop till it's over. And I know that something in the water can control it. Taking over lays me out like a just a cup punch. Stop the clocks, it won't stop. coursing through my blood. The adrenaline is kicking in. Stop the clocks, it won't stop. Filling up my lungs, coursing through my blood. Adrenaline is kicking in. Head fuck, think I lost my touch. Oh my god, it won't stop, won't stop. Et si on se prenait une autre dose d'adrénaline tout de suite avec le live de Zero des Smashing Pumpkins? And cleanliness is godliness, and God is empty, just like that. Waouh, quelle énergie que ce morceau! J'espère que vos oreilles ne crament pas. Si c'est le cas, no soucis. On va finir notre 121e pop and rock en douceur avec tout de suite un autre groupe mythique. Ils ont inspiré des groupes comme Nirvana. Non, c'est pas You Scared You, ce sont les Pixies. And les Pixies. Et de temps en temps, on tombe sur un petit truc, un petit groupe, une petite perle. On connaît pas le groupe, je sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas ce qu'ils feront. On écoute Tinya, I Feel Fine. Voilà, nos 59 minutes et 57 secondes touchent à leur fin. J'espère que vous avez aimé les groupes et artistes programmés ce soir. Si c'est le cas, c'est moi le plus heureux, mais il est temps de se quitter avec le Buddha's Band qui m'a accompagné ce soir sur chacune de mes interventions. C'était le titre Six Hammer. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous.